Un clown dans un crâne, une aventure de Toto Fouinard, le petit détective parisien, par Jules d'Hermina. Chapitre 1er. Un nécessaire de toilette. Toto Fouinard, seul dans son petit logement, finissait de dîner. Un dîner plus que frugal, des radis, une saucisse, du fromage et beaucoup de pain. Était-il devenu anachorète? Non. La raison de cette très peu luc-lucienne cuisine était beaucoup plus simple et à la portée, hélas, de bien des gens. Fouinard était dans ce que les Parisiens appellent une purée noire. Et voici pourquoi. À la suite de l'affaire de l'introuvable assassin, dont les reporters s'étaient emparés, Fouinard avait été l'objet d'un engouement, d'une popularité formidable, pas un moment de tranquillité. Au Châtelet, tant qu'avaient duré les représentations du Tour du Monde, où il remplissait le rôle de passe-partout, c'était une procession d'admirateurs, de curieux qui le harcelaient, l'assommaient, ce dont il avait horreur. Aussi le public soulignait dans ce dialogue tous les mots, toutes les phrases qui pouvaient présenter un rapport, si éloigné fut-il, avec l'exploit qu'il avait accompli et avec ceux qu'on lui prêtait. C'était des « bravo Toto, vive Toto ». Il en était horripilé, tant et si bien que quand la pièce de Jules Verne avait fait place à une grande féerie, il avait, par un coup de tête, refusé le rôle de petit serin qui tenait toute la pièce et était, tel Achille, rentré dans sa tente, décidé à se faire oublier, du moins pour un certain temps. Il s'était retrouvé chez lui avec un ouf de soulagement, et depuis 3 mois, confiné, reclus, il s'était astreint à ne voir personne en dehors de ses deux amis, Michel Gervais, qui lui avait voué une reconnaissance bien explicable, d'ailleurs, pour l'inappréciable service qu'il lui avait rendu, en l'arrachant aux griffes de la justice, et la petite Suzon, qui était bien la camarade la plus gentille, la plus intelligente, la plus dévouée qui se pût imaginer. Mais ce que Fouinard ne disait pas, même à ses intimes, c'est qu'il avait mangé toutes ses économies, et qu'il commençait à envisager l'avenir avec inquiétude. Rentré au théâtre, il jugeait qu'il était encore trop tôt. Il se demandait lequel de ses anciens métiers il allait reprendre, photographe, mécanicien, gymnasiarque. Culbute et Sopérieux lui paraissaient sans charme. Il hésitait, et en attendant qu'il eût fait un choix, il vivait aussi parcimonieusement que possible. Mais il voyait, comme il disait, la fin de ses pépettes, et en dégustant son gruyère, il méditait sur le parti qu'il lui fallait prendre, s'étant donné 3 jours pour finir avec ses hésitations. On frappa à la porte. Il eut un moment de surprise. Pour rester seul avec ses réflexions, il avait dit à ses amis qu'il serait absent toute la soirée, et les visites de hasard étaient rares. Prenant en main la lampe à pétrole et l'élevant en l'air, il ouvrit sa porte et vit sur le seuil un homme de haute taille, à la figure mince, très pâle, de mise très correcte, redingote noire, avec à sa boutonnière la rosette d'officier de la Légion d'honneur. Ce personnage portait d'une main une caisse carrée, enveloppée dans un étui de drap noir, comme les nécessaires de voyage. De l'autre, il avait ôté son chapeau et saluait respectueusement. « Monsieur Fouinard ? » demanda-t-il à voix presque basse. « C'est moi, » répondit l'acteur. « Pourriez-vous m'accorder quelques instants d'entretien ?»« Vous êtes bien sûr que c'est à moi, Fouinard, Toto Fouinard, artiste de la Porte Saint-Martin ou du Châtelet, que vous désirez parler ?»« Oui, oui, à vous-même. » »« Entrez donc, je vous prie. » fit Toto en s'effaçant pour laisser entrer l'inconnu. D'un coup d'œil, à la lueur de la lampe, il avait examiné et analysé la physionomie de son visiteur. Évidemment un homme du meilleur monde, ayant passé la quarantaine, aux cheveux raréfiés, poivre et sel, à son aise, ceci ne faisait pas de doute, en raison de sa mise qui révélait le très grand tailleur, chapeau et bottines à l'avenant. Visage triste, au trait tiré, les yeux vagues. Ni impresario, ni régisseur, ni directeur d'agence, rien du théâtre. D'un habile tour de main, Fouinard avait jeté un journal sur les reliefs de son repas. Il posa la lampe sur une table recouverte d'un tapis, d'un geste indiqué un siège et s'asseyant à son tour. « Je suis à vos ordres, monsieur. » L'inconnu avait jeté un rapide regard autour de lui. Peut-être la modestie de cette installation lui causait-elle une impression imprévue, sinon fâcheuse. Il tenait toujours sa petite caisse à la main et l'avait posée sur ses genoux. « Débarrassez-vous donc de cela, » dit Fouinard en avançant complaisamment les mains. L'homme eut une sorte de frisson. « Non, non, je vous remercie, je ne puis. »« À votre aise, monsieur. » reprit Fouinard, que l'étrange allure de son visiteur commençait à agacer visiblement. Auriez-vous l'obligeance de me dire à quoi je dois l'honneur, il appuya quelque peu ironiquement sur le mot, de votre visite? L'inconnu, que gênait évidemment le fardeau dont il ne consentait pas à se séparer, ouvrit sa redingote, plongea la main dans la poche de son gilet et en tira une lettre qu'il présenta à Fouinard. Enveloppe petite, format carte de visite. Fouinard déchira l'enveloppe et, en ayant tiré en effet une carte de visite, réprima un mouvement de surprise. Cette carte portait, gravée ces mots, le préfet de police, puis à la main, recommande très vivement, sic, M. F., la personne qui lui remettra cette carte, en faisant appel à la fois à sa plus profonde discrétion et à son exceptionnelle intelligence. Merci d'avance, L.A.R. Le reste du nom, La Rose, se perdait en un paraphe. Fouinard s'aperçut que l'inconnu le regardait anxieusement. « Monsieur, lui dit-il, j'avoue ne rien comprendre à ce qui se passe ici. Celui qui vous a remis cette carte est bien le préfet de police, oui, monsieur. Et c'est bien pour moi, pour vous. Me permettrez-vous de vous demander comment, dans quelles circonstances, monsieur le préfet de police vous a remis cette carte ?»« Je suis un de ses plus anciens amis, dit l'homme, quoique nous nous soyons perdus de vue depuis très longtemps. Mais nous avons conservé l'un pour l'autre des sentiments d'estime et d'affection. Me trouvant dans une situation délicate, je puis dire, terrible et affreusement exceptionnel, je suis allé le trouver. Et je lui ai confié un secret qui me tue, en le suppliant de m'aider à sortir de l'abîme où je me sens entraîné. Mon ami m'a écouté patiemment, puis, après avoir réfléchi, m'a engagé à m'adresser à vous, ce que j'ai fait sans hésiter, et me voici. Où diable tend tout ce galimatia, pensait Fouinard. Enfin, il n'en coûte toujours rien d'écouter une histoire. Je m'efforcerai, dit-il poliment, de justifier la confiance de M. Larose, et je vous prie de me faire connaître le sujet de votre visite. L'autre prit alors la caisse qui reposait sur ses genoux et la plaçant sur la table, défit les petites courroies de cuir qui maintenaient l'étui de drap. Il en fit retomber les pans, et alors apparut une boîte de maroquin noir avec ferrure d'argent. L'inconnu posa la main sur le couvercle, puis il dit d'une voix qui tremblait horriblement « Monsieur, je vais vous livrer un sinistre secret. Ne m'en veuillez pas si, encore une fois, je fais appel à votre discrétion d'honnête homme. Jurez-moi que si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas accéder à la requête que je vous présenterai, vous oublierez et notre conversation et l'effroyable révélation que je vais vous faire. » « Ce qu'il me rase avec ses préambules, » fit Otto à part lui. Et il ajouta tout haut, « Ma discrétion vous est acquise, foi d'honnête homme. » Alors l'inconnu, dont la pâleur s'accentuait jusqu'à la lividité, tira de sa poche une petite clé en argent et l'introduisit dans la serrure de sa petite caisse. Il fit jouer les peines et souleva le couvercle. Un sachet de satin blanc, émettant une odeur délicate et pénétrante, s'échappa du coffret. L'inconnu passa une de ses mains sur son front d'où coulaient des gouttes de sueur froide, puis, se raidissant contre l'impression terrible qui l'angoissait, il souleva le sachet. Et Fouinard, si préparé qu'il fût à une surprise, poussa un cri. La caisse mystérieuse contenait une tête de femme.